Les petits du Tchékar ont des têtes de roumains. Hey gros, faut qu'on roule un. Derrière nous y'a Houma, hack, bouc, racheur, venin. Rap honnête, wesh, les voleurs à la roulette. Les pousseurs, brouettes, et si on se faisait Rolex. Les petits du Tchékar ont des têtes de roumains. Hey gros, faut qu'on roule un. Derrière nous y'a Houma, hack, bouc, racheur, venin. Rap honnête, wesh, les voleurs à la roulette. Les pousseurs, brouettes, et si on se faisait Rolex. J'crache un molar, parti de la glotte. Sorti de la grotte, comme un tolard, assis ça te botte. Moi aussi j'chabotte. J'ai pas le salargo, des salariés à Sarko. Bête de mensonge, ça a l'air gros. Du difficile, c'est sûr que ça a l'air beau. Mais le salaire vaut pas la chandelle, même pas une bougie sur un gâteau de sel gros. Tu me parles d'un cadeau, mon rap c'est du recel. Parce qu'il cause de vécu illicite comme si j'étais. J'étais tourné la recette, mais que sais-je. Le plus gros prolixe sera peut-être sur le plus que c'est. Que serait ma vie sans ses couplets, sans ses coups de trait. Tu tracasses pas pour si peu, dis-moi j'ai quoi pour cible. C'est pas possible qu'avec le bif, plus rien n'est impossible. On t'impose. C'est ça, avec l'impôt, il se faut trop de sous ici. On fait du charbon plein pot, les darons se font du souci. T'as le site du taf, l'usine te bouffe, te pousse au suicide. C'est d'hiver, tu bois la tasse dans une canette d'acide. Les petits du des têtes de roumain. Hey gros, faut qu'on roule un. Derrière nous y'a Houma, hack, bouc, racheur, venin. Rap honnête, wesh, les voleurs à la roulette. Les pousseurs, brouettes, et si on se faisait Rolex. Les petits du Tchékar ont des têtes de roumain. Hey gros, faut qu'on roule un. Derrière nous y'a Houma, hack, bouc, racheur, venin. Rap honnête. Wesh, les voleurs à la roulette, les pousseurs brouettes, et si on se faisait Rolex. Crois pas que j'suis dingue, faut que tu te réveilles si tu vois pas que j'suis hal. J'vois que j'suis bégaye, t'es fou, j'ai pas rassasié toute ma dalle. Envoie la paye, j'ai pas encore amassé toute la maille. J'oublie pas ces années où j'ai amassé toute la caille. J'ai pas fait tout ce travail pour lâcher comme ça. Pour se faire la malle, faut d'abord tout arracher, moi j'attends que ça. J'disparais quand l'affaire est dans le sac. Là, j'l'aurais mis dans le fiac. En attendant, j'galère un street album, fuck. T'es trop chez père, protège ton boule, j'manque de vigilance. J'suis trop déter comme mes frères, la mine, mes moules n'est qu'immense. Dès que j'sévis, comme on dit chez nous, c'est la victime immense. J'pense à ceux qui sont partis, ça laisse un vide immense. Rien à fêter, mais on se la met, c'est juste Pampoliakov. Les petits sont débilés, vont à l'école, école, ils n'approuvent. Ils ont encore de la mort, ça vole, ça coffre, ça le gosse, hardcore, ça score, ça mort. Ça fait pas qu'à boire sa mort, c'est son des sales sera. Cracheur de venin, banlieue nord, à concentrer que j'aura. C'est pour mes potes, à ceux qu'on tout massacré dans le feu. C'est pour les nôtres présentés, c'est sacré dans le pleura. Les petits du Tchékar ont des têtes de roumains. Hey gros, faut qu'on roule un. Derrière nous y'a Houma, hack, bouc, racheur, venin. Rap honnête, wesh, les voleurs à la roulette. Les pousseurs, brouettes, et si on se faisait Rolex. Les petits du Tchékar ont des têtes de roumains. Hey gros, faut qu'on roule un. Derrière nous y'a Houma, hack, bouc, racheur, venin. Rap honnête. Wesh, les voleurs à la roulette, les pousseurs brouettes, et si on se faisait Rolex. C'est l'activiste dans un petit 8, loin d'être intimiste, c'est musique à la chimiste. Quand l'MC, faut les timides, moi et la team, on a le style, faut pas que timide. J'aime pas respecter le timing, ça fait longtemps que je vois plus de limite. J'mets de la dynamite, dans le boule du rap hexagonal. C'est Zest, mec de test, j'ai pas de game, on sort le bon mal. Pour changer du coma, frère d'art. La street c'est trafic et chômage, car ils ont plastiqué le chemin de la réussite, c'est bien dommage. Arracheurs, cracheurs, venin, cachette, mais pour pas cher. Je sais pas faire les choses doucement, j'ai des trop grosses mains. A ghetto, Rimka, Zesso, ghetto, 9495. Ouais gros, c'est brut, c'est la rue, normal.